الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Avant de commencer le cours, la semaine dernière dans le cours de dimanche, j'avais cité un athar que Omar radiallahu anhu, alors qu'il était donc en expédition militaire, a été informé donc par certains de ses soldats, ou plutôt par certains des chefs d'armée qu'il avait envoyés dans la région, ils l'ont informé que la peste se trouvait dans la région du Cham. Et que donc Omar radiallahu anhu avait préféré rebrousser chemin. Puis j'avais dit qu'il demanda donc parmi les compagnons qui avaient une science dans cela, et que Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma l'avait informé du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport à la peste: si vous entendez qu'elle est dans une région, alors n'entrez pas dans cette région, et si vous êtes dans une région qui est touchée par la peste, alors n'en sortez pas. Et après avoir vérifié les textes dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, j'ai donc vu que le compagnon qui avait rapporté le hadith à Omar ibn al-Khattab radiallahu an était en fait Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf et non pas Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma. Et j'ai apporté ici le hadith que j'ai ressorti donc de Sahih al-Bukhari. Il est également dans Sahih Muslim. ولما فيه من الفوائد أردت أن نبدأ بذلك اليوم. En raison des immenses bénéfices qu'il y a à tirer de ce hadith, j'ai vu qu'on commence par cela pour le cours d'aujourd'hui. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ أو بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقال عمر ادعوا للمهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم يعني ابن عباس رضي الله عنهما فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لمن كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس إني مصبح على الظهر فأصبحوا عليه قال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد يعني ابن عباس قال فحمد الله عمر ثم انصرف. Donc dans ce hadith, qui est donc selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu était parti donc dans la région du Cham, hein, qui correspond à la Syrie, la Jordanie, la Palestine, hein, toute cette région, jusqu'à ce qu'il arrive à une contrée qui s'appelle Sar ou Sarar dans certaines, selon certaines versions. Donc les chefs d'armée l'ont rencontré à cet endroit qui s'appelle Sar. Parmi eux donc Abu Ubaid Abdul Jarrah et ceux qui étaient avec lui là-bas. Et ils l'ont informé, ils ont informé Omar radiallahu anhu que une maladie infectieuse, hein, était tombée dans la terre du Cham. C'est-à-dire qu'il parlait de la peste. Alors Omar radiallahu anhu, hein, je résume le hadith. Omar radiallahu anhu, il a dit à Ibn Abbas, fais-moi appeler les premiers muhajirines, les premiers émigrés. Wa kama qala an-Nawawi rahimahullah fi sharhihi li sahih ala sahih Muslim, al-murad bil muhajirin al-awwalin هم الذين صلوا إلى القبلتين بيت المقدس والكعبة المشرفة. Dans An-Nawawi rahimahullah, dans son explication de Sahih Muslim, il a dit que les premiers émigrés, ceux qui sont désignés par le terme les premiers émigrés, ce sont ceux qui ont prié les deux qiblas, ceux qui ont prié les deux qiblas, ceux qui ont prié tout d'abord en direction de Beit el-Maqdis à Jérusalem, puis qui ont prié en direction de la Kaaba. Car comme vous savez, au départ, lorsque la prière a été légiférée, il était légiféré que les musulmans se dirigent vers Beit el-Maqdis, vers Jérusalem. Puis ensuite, ceci a été abrogé et Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé la Kaaba comme Qibla pour la prière. Donc ceux qui sont désignés par le terme les premiers muhajirin, ce sont ceux qui ont prié les deux Qibla. Ce qui montre et ce qui prouve leur ancienneté dans l'islam. Car ils ont prié en direction de Bayt al-Maqdis, qui était la première des Qibla qui a été légiférée pour les musulmans au début de l'islam. Ou plutôt au début de la légifération de la salat. Donc Omar radiallahu anhu, il a demandé à Ibn Abbas de faire appeler les premiers émigrés, les premiers muhajirin. Alors Ibn Abbas, il les a appelés, puis Omar radiallahu anhu les a consultés. Il leur a expliqué que la peste se trouvait dans la terre du Cham. Donc est-ce qu'ils devaient poursuivre son expédition militaire ou rebrousser chemin? Alors les muhajirin se sont divisés, ont divergé. Certains ont dit, tu es parti pour une chose, hein, donc nous ne voyons pas que tu doives retourner sur tes pas. Et d'autres ont dit, avec toi il y a le reste des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous ne voyons pas qu'il est convenable que tu les fasses, hein, que tu les exposes à cette maladie. Alors Omar radiallahu anhu, après cela, leur a dit, vous pouvez disposer. Puis il a demandé à Ibn Abbas de lui appeler les Ansar, ce que fit Ibn Abbas radiallahu anhu, radiallahu anhuma. Et les Ansar, hein, les habitants de Médine, qui ont accueilli les Muhajirines, les Ansar donc, ont divergé comme avaient divergé les Muhajirines. Certains ont dit continue et d'autres ont dit non, rebrousse chemin. Alors Omar radiallahu anhu leur a dit vous pouvez disposer. Puis il a demandé à Ibn Abbas de lui amener les grands de Quraysh, les grands de Quraysh parmi ceux qu'on appelle Muhajirat al-Fath. Et les savants ont divergé sur ceux qui sont désignés par Muhajirat al-Fath. Al-Fath qui était la conquête de la Mecque, la récupération de la Mecque des mains des polythéistes lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récupéré la Mecque d'entre les mains des polythéistes. Enfin, certains savants, et c'est l'avis qu'a appuyé ou qu'a soutenu An-Nawawi et d'autres, c'est que ceux qui sont désignés par Muhajirat al-Fath, ce sont ceux qui se sont convertis à partir de ce moment-là, à partir de la conquête de la Mecque, et qui ont ensuite émigré. Taïb. Donc il a fait venir les grands de Quraysh parmi ceux qui s'étaient convertis à l'islam après la conquête de la Mecque. Et eux, les Quraychites, ils n'ont pas divergé sur le fait qu'il était préférable de quoi ? De rebrousser chemin. Donc Omar radiallahu anhu prit cette décision de rebrousser chemin après avoir consulté les Muhajirines al-Awwalin, les premiers Muhajirines, et après avoir consulté les Ansar, et après avoir consulté les grands de Quraysh parmi ceux qui se sont convertis après la conquête de la Mecque. Quand Omar a annoncé qu'il rebroussait chemin et qu'il a ordonné aux gens de rebrousser chemin, de se préparer à retourner sur Médine, alors Abu Ubaid ibn al-Jarrah lui a dit « Est-ce que tu fais cela pour fuir le destin d'Allah ?» Abu Ubaida, il a dit ça à Omar, car il a vu que, il a pensé que Omar radiallahu anhu rebroussait chemin pour, par crainte d'être touché par le destin, si il devait être touché par la peste. Alors Omar radiallahu anhu lui a dit nous fuyons le destin d'Allah pour le destin d'Allah, pour aller vers le destin d'Allah. Et il lui a expliqué, il lui a donné l'exemple. Si tu avais avec toi des chameaux et que tu traverses un wadi puis que le wadi se sépare en deux, d'un côté il y a de la verdure et de l'autre, d'un côté la terre est fertile et de l'autre la terre est stérile. Quels que soient les deux chemins que tu vas emprunter, quoi qu'il arrive, tu seras dans quoi ? Dans le destin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc de la même façon que nous entrions dans la terre du Cham, ou que nous rebroussions, chemin, quoi qu'il arrive, tout cela ne se fait que par destin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Omar radiallahu anhu a été étonné, et qu'il lui a dit... Si seulement c'était une personne autre que toi qui avait dit cela, oh Abu Ubaida. Car Abu Ubaida, il fait partie des grands compagnons, de ceux qui ont le plus de mérite et le plus de science. Donc Omar radiallahu anhu a été étonné de la parole d'Abu Ubaida. Puis il a donné l'exemple, donc, comme j'ai dit, du Wadi. Et à ce moment-là, donc, après que Omar ait pris sa décision, à ce moment-là, Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, qui était absent jusqu'à présent, car il était parti pour certains besoins. Donc Abdurrahman ibn Auf, il est arrivé à ce moment-là et il a dit: certes, moi j'ai une science. Certes, moi j'ai une science dans cela de la. Certes, j'ai dans cela une science du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le messager d'Allah qui disait: si vous entendez parler de la peste sur une terre, alors n'entrez pas dans cette terre. Et s'il tombe, si la peste tombe dans une terre dans laquelle vous vous trouvez, alors n'en sortez pas pour la fuir. Alors n'en sortez pas pour la fuir. Alors Omar radiallahu anhu, quand Abdurrahman ibn Auf lui a rapporté le hadith, Omar radiallahu anhu a loué Allah subhanahu wa ta'ala. Il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala et a fait ses louanges. Puis, il a pris le chemin du retour. Et comme je vous disais, ce hadith, ce athar, est rapporté par Bukhari et Muslim. Et Nawawi, rahimahullah, il dit qu'il y a énormément de leçons à tirer de ce hadith. Parmi cela, istihbab mushawarati ahli al-ilm war-ra'y fi al-umur al-haditha. Parmi cela, le fait qu'il est recommandé de consulter les gens de science et de clairvoyance dans les choses, les événements qui touchent la communauté. وكذلك تقديم أهل السابقة في ذلك. Également le fait de mettre en avant dans ces choses-là ceux qui ont le plus de mérite. Car Omar radiallahu anhu, comme il expliquait Nawawi dans, si vous revenez à son explication de Sahih Muslim, Nawawi tout au long de l'explication, il dit que Omar radiallahu anhu, il appelait les compagnons par ordre de mérite. Ceux qui ont le plus de mérite, les premiers muhajirines, qui ont subi le plus d'épreuves. Puis ensuite, il a appelé ceux qui les suivent dans le mérite, à savoir les ansar. Puis il a appelé en troisième ceux qui ont le plus de mérite après ces deux-là, ceux qui se sont convertis après que la Mecque ait été récupérée des mains des polythéistes et que l'islam, la force de l'islam apparaisse à toute la péninsule arabique. Donc ils ont forcément moins de mérite que ceux qui se sont convertis dès le début de l'islam. Donc c'est pour cela que Nawawi, dans les fawaïd du hadith, il dit taqdimu ahli sabiqati fi dhalik, le fait de mettre en avant ceux qui ont le plus de mérite. Wa kadhalik tanzilu an-nas manazilahum, le fait de mettre chaque personne à la place qui lui convient, à la place qui lui revient. وكذلك تقديم أهل الفضل على غيرهم والابتداء بهم في المكارم. Également le fait donc de mettre en avant les gens de mérite sur les autres et de commencer par eux dans les choses nobles. وكذلك قبول خبر الواحد. Également parmi les fawaïd de ce hadith, le fait qu'on accepte l'information même si elle vient d'une seule personne. Car dans ce athar, même s'il y a d'autres hadiths, il y a d'autres hadiths j'ai oublié de quel compagnon, Al-Muhim, qui a confirmé ce hadith concernant la peste, mais sur le moment, Omar radiallahu anhu, il a accepté le hadith que Abdurrahman ibn Auf avait rapporté, alors qu'il n'avait pas d'autres compagnons, qu'il n'y avait pas d'autres compagnons qui est venu pour appuyer cela. Donc, Afwan. Donc Omar radiallahu anhu a accepté le khabar, a accepté l'information que Abdurrahman ibn Auf a rapportée, sans chercher Naam, elle a vérifié auprès d'une autre personne. Donc c'est pour cela que Nawawi dit que dans ce hadith, hein, parmi les leçons que l'on tire, c'est que l'information d'une seule personne est acceptée. Naam, bien sûr, à condition que cette personne soit digne de confiance. وَكَذَلِكْ اِجْتِنَابُ أَسْبَابِ الْهَلَاكِ. Le fait de s'éloigner, de s'écarter des causes de la perdition et de la mort. وَكَذَلِكْ مَنْعُ الْقُدُومِ عَلَى الطَّاعُونَ وَمَنْعُ الْفِرَارِ مِنْهِ. Et également l'interdiction d'entrer dans un endroit, dans une région dans laquelle la peste est répandue, et l'interdiction également d'en sortir pour celui qui s'y trouve déjà. Donc ce sont certaines leçons que Nawawi rahimahullah a citées de ce hadith, et vous voyez donc comment les sahaba radiallahu anhum, même les plus grands comme Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il est revenu à ceux qui avaient de la science dans le sujet. Car nous avions cité cela pour expliquer que les compagnons, radiallahu anhum, lorsqu'une question religieuse leur posait problème, ou qu'un verset ou un hadith leur posait problème, ils revenaient soit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant sa vie, lorsque ceci était possible, ou alors il prenait la compréhension auprès d'autres compagnons, comme ici Omar radiallahu anhu l'a fait. Et également, une autre preuve de cela, encore plus évidente, c'est ce qui est rapporté également par Bukhari et Muslim. An Abi Hurayrata radiallahu anhu qal, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق فعرفت أنه الحق. Donc dans ce hadith, Abu Huraira radiallahu anhu, il dit: lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort et qu'Abu Bakr radiallahu anhu a été désigné calife après lui, et que certaines tribus arabes ont apostasié. Certaines tribus arabes ont apostasié. Et parmi eux, il y en avait qui ne voulaient pas payer la zakat, qui disaient que la zakat ne devait être payée qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Bakr radiallahu anhu a pris la décision de les combattre. Toutes les tribus arabes qui avaient donc apostasié l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi eux ceux qui refusaient de payer la zakat. Et lorsqu'il a pris cette décision, Omar radiallahu anhu lui a dit: comment peux-tu combattre ces gens alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Puis une fois qu'ils ont dit cela, ils auront préservé de moi leur sang et leur bien, sauf selon le droit de l'islam et leur jugement, un combat à Allah. Donc Omar radiallahu anhu, Il a compris du hadith qu'à partir du moment où les gens ont dit « La ilaha illallah », peu importe ce qu'ils font, on ne peut pas les combattre. Alors Abu Bakr radiallahu anhu lui a dit « Wallahi », il a juré par Allah, « Je combattrai toute personne qui a fait la distinction entre la salat et la zakat. Certes, la zakat est le droit des biens. Par Allah, s'ils ne veulent pas me donner, hein, s'ils ne veulent pas me donner ne serait-ce un iqal, mais dans une version, un anaq, le anaq qui est un jeune mouton, et l'iqal qui est ce que les bédouins mettaient sur leur tête, le cercle, comme vous voyez aujourd'hui les Saoudiens qui mettent un cercle noir sur leur rotra ou sur leur chimère. Ça s'appelle un iqal. Donc Abu Bakr radiallahu anhu a dit, s'ils ne veulent pas me donner ne serait-ce un iqal ou dans une version un jeune mouton qu'ils donnaient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je les combattrai jusqu'à ce qu'ils donnent leur zakat, jusqu'à ce qu'ils payent leur zakat. Alors Omar radiallahu anhu a dit, donc par Allah, voyant cela, j'ai vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait élargi la poitrine d'Abu Bakr dans le fait de les combattre. Donc j'ai su que c'était la vérité. Enfin, Abu Bakr radiallahu anhu, il a fait comprendre à Omar que le fait de payer les zakat, ça fait partie du droit de l'islam. Dans le hadith, illa bihaqqihi, s'ils font cela, s'ils disent cela, ils disent la ilaha illallah, ils auront préservé de moi leur sang et leur bien, sauf selon le droit de l'islam. Donc ça fait partie du droit de l'islam. Et Abu Bakr radiallahu anhu, donc, lui a fait comprendre cela. Dans cette explication, et Omar radiallahu anhu a su à ce moment-là que c'était la vérité, et de là, les compagnons radiallahu anhum ont combattu tous ceux qui avaient apostasé jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'islam. Donc, ceci c'est par rapport au cours de la semaine dernière, et nous prenons donc la suite du livre de Cheikh Zayd à présent, et nous en étions donc au cinquième point, si je ne me trompe. Fayaqulu Cheikh Zayd rahimahullah khamisan mahabbatu at-tawassu'i fi al-'ulum ash-shar'iyyah wa wasa'ilaha li'anna Allah wa rasulahu yuhibban dhalik faqad ata al-madh wa ath-thana'u 'ala hadha as-sinf min an-nas fi ghayri ma ayatin wa hadith كما أتى المدح في منظوم كلام العقلاء ومنثوره وعليه فلا يهمنا قول من عابهم بأنهم حفظة متون وحواش. Donc il dit Cheikh Zayd rahimahullah, le cinquième point qui fait partie donc des signes distinctifs, des caractéristiques des pieux prédécesseurs et de ceux qui les suivent, c'est l'amour de s'approfondir, l'amour qu'ils ont de s'approfondir dans les sciences islamiques. Et les moyens qui y mènent. Les sciences qui sont considérées comme des outils et des moyens qui t'amènent à la science, aux sciences islamiques. Ceci car Allah et son messager aiment cela. Yani aiment ceux qui cherchent à s'approfondir dans la science. En effet, il y a plus d'un hadith, il y a plus d'un verset et d'un hadith dans lesquels sont venus les éloges pour ce genre de personnes, ceux qui aiment la science et qui aiment la recherche de la science. De même que leurs éloges sont venus dans les paroles des gens de sagesse, des gens raisonnables, que ce soit dans des poèmes ou dans des proses. Et de là, il dit, Cheikh Zayd, donc de là, nous ne portons guère attention à la parole de ceux qui les critiquent. Il y en a qui critiquent les gens de science et les étudiants en science. Nous ne prêtons guère attention à ceux qui les critiquent en disant que ce sont des gens qui ne font que de mémoriser des textes. Et ici, en note de bas de page, il est dit « Al-Qa'ilu wa al-Doktour Abdullah Azzam rahimahullah wa ghafara lana wa lah fi majallati al-jihad tahta unwan ja'a al-haq wa zahaq al-batil wa Abdullah Azzam kana min qadat al-ikhwan al-muflisin khuwan al-muslimin » Donc celui qui a dit cette parole, que en parlant donc des salafis et des gens de la sunna qui font des efforts dans l'apprentissage de la science, et il a dit d'eux, ce sont des gens qui ne font que de mémoriser des textes. Celui qui a dit cette parole, c'est Abdullah Azzam. Abdullah Azzam, qui faisait partie des têtes, des chefs des Ikhwan. Et qui a combattu les salafis en Afghanistan et ailleurs. Enfin, ça rappelle également la parole de Bachir ibn Hassan al-Tunsi, celui qu'ils appellent Cheikh Bachir. Naam, al-Tunsi. qui a dit en parlant donc de certains savants, il a dit, je ne sais pas, est-ce que la science, elle n'est que dans les monstrueux et les lochis, yuhawwinu min sha'ni hadha al-ilm al-fiqh fi ahkam al-hayd wa an-nifas wa yatanaqqas al-ulama bidhalik lamma lam yuftu bil jihad fima yurid huwa an yakuna jihadan wa laysa jihadan shar'iyyan fa lam yufti al-ulama bidhalik fa raja'a ila al-qawl bihadha ila at-ta'n fihim bihadha. Donc Bashir ibn Hassan al-Tunsi, il a dit, il y a quelques années de cela, il a dit cette parole pour rabaisser les savants, lorsque les savants n'ont pas fait la fatwa de djihad dans certaines contrées. Alors il a dit, est-ce que la science c'est que dans les monstrueux et les lochis, dans le sens, il y a aussi la science du djihad, faut qu'il fasse des fatwas de djihad. Il a dit cela lorsque les ulama n'ont pas fait de fatwa de djihad, alors que lui, il voulait qu'il y ait des fatwas de djihad dans ces contrées. Fa hakadha adatu ahli al-bid'a. Comme a dit un des salaf, علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. Comme on dit, je disais que ceci est l'habitude des gens de l'innovation, qu'ils critiquent les gens de la sunna, les gens qui suivent les traces des pieux prédécesseurs. Comme disait un des salafs, il disait, le signe distinctif des gens de l'innovation, c'est la critique des gens de la sunna. C'est qu'ils critiquent les gens de la sunna. وما ذنب العلماء وطلبة العلم إلا أنهم اعتنوا بالعلم الشرعي بفهم كلام الله وفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهدوا في معرفة دين الله حتى يعبدوا الله على بصيرة وحتى يبصر الناس في دينهم. Quel est le péché des gens de science et des étudiants en science, si ce n'est qu'ils ont donné l'importance à la science religieuse et qu'ils se sont efforcés de l'apprendre afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance et afin d'enseigner aux autres leur religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit le Cheikh Zayd, هنا ذكر بعض الآيات والأحاديث, فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما العلم بالتعلم إن العلماء ورثة الأنبياء. الحديث. Donc Cheikh Zayd, il a cité plusieurs versets et hadiths. Parmi ceux-là, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens: certes Allah élève ceux qui ont cru parmi vous. Certes Allah élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont reçu la science à des degrés supérieurs. Et également le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens: certes ne craignent réellement Allah parmi ses serviteurs ou plutôt certes ce sont les savants qui craignent réellement Allah parmi ses serviteurs. Également le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion, et certes la science ne vient que par l'apprentissage. Et également le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: certes les savants sont les héritiers des prophètes. Certes les savants sont les héritiers des prophètes. Cheikh Zayd n'a pas voulu s'étaler, car c'est une chose qui est connue, que dans le Coran et dans la Sunna, vous allez trouver beaucoup de versets et beaucoup de hadiths dans lesquels sont venus les éloges des gens de science. Et les éloges de celui qui apprend la science. Le premier verset qu'il a cité: Allah élèvera ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont reçu la science à des degrés supérieurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il élève les croyants sur le reste des gens, il élève les croyants sur les mécréants et il élève les savants au-dessus des autres croyants. Enfin, les savants sont les meilleurs des croyants. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le deuxième verset que Cheikh a cité, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui craignent réellement Allah, ce sont les savants. Tu ne peux pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala si tu ne le connais pas et si tu ne connais pas sa religion, si tu ne connais pas le halal et le haram, si tu ne connais pas la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne pourras pas savoir ce qu'Allah a ordonné et ce qu'il a interdit. Et si tu ne sais pas ce qu'Allah a ordonné et ce qu'il a interdit, eh bien tu ne pourras pas faire ce qu'il a ordonné et tu ne pourras pas t'écarter de ce qu'il a interdit. Et également le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il disait: ce que l'on comprend de ce hadith, ce que l'on comprend par déduction de ce hadith, c'est que celui qui n'a pas la compréhension de la religion, Allah n'a pas voulu son bien. Et ça doit te faire te poser des questions. S'il y a des choses que tu ne comprends pas dans la religion et que tu ne fais pas d'effort pour les comprendre, pose-toi des questions. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: la recherche de la connaissance, la recherche de la science, yani la science religieuse, la science islamique, est une obligation pour tout musulman. C'est une obligation pour tout musulman. Tu te dois d'apprendre ta religion. Tu te dois de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu te dois de connaître les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu te dois de connaître le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et tu te dois de connaître les droits du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu te dois de connaître la religion de l'islam, les obligations et les interdictions, les recommandations et les actes déconseillés. Tu te dois de connaître le licite et l'illicite, le halal et le haram. Il y a une partie de la science qui est obligatoire pour tout le monde. Comme disent les savants, wa huwa ma la yastaqimu dinul insani illa bihi. C'est ce avec quoi tu ne peux pratiquer ta religion. Ce sans quoi tu ne peux pratiquer ta religion, c'est une obligation pour toi de l'apprendre. Les choses qui sont indispensables à ta pratique de la religion, c'est une obligation pour toi de les apprendre. Et également dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمُ. Certes, la science ne vient qu'avec l'apprentissage. لَا كَمَا تَقُولُ الصُّوفِيَّةِ نعم يَجْلِسْ فِي الْمَسْجِدِ يَذْكُرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلِ يُسَبِّحُ اللَّهِ وَيَقُولْ وَيَأْتِينِ الْعِلْمِ إِلْهَامًا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلِ. النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق يقول إنما العلم بالتعلم لم يقول إنما العلم بالذكر. Hein? Certains soufis, ils disent que il suffit que tu te poses à la mosquée et que tu fasses du zikr. Hein? Tu dis subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Hein? Tu restes à faire du zikr et la science va te venir. Hein? Par révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va te révéler la science, il va te mettre la science dans le cœur sans que tu fasses d'efforts pour apprendre. Ici, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réfute leurs paroles. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la science ne vient qu'avec l'apprentissage. Il n'a pas dit la science ne vient qu'avec le zikr. Donc tu dois apprendre. Et la science, hein, et l'apprentissage, il se fait comment? Il se fait auprès des gens de science. Tu ne peux pas apprendre auprès des ignorants. Faqidu shay la yu'ti. Celui qui ne possède pas une chose ne peut pas la donner. Donc la science, elle se prend des gens de science, et ce que tu as appris des gens de science, tu le transmets. Et également dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes les savants sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. Nam wal hadith bi kamilihi. إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Le hadith en entier, à partir de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont laissé en héritage ni dirham ni dinar, mais ils ont laissé la science. Donc quiconque l'apprend, il y prend la science, il aura certes obtenu une chose immense. Naam. Celui qui apprend la science religieuse, naam, il est en train de quoi? En train de prendre. l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a une chose plus noble à hériter que d'hériter la science d'un prophète? Et par rapport à ce hadith, هناك لطيفة قالها ابن حبان رحمه الله في صحيحه قال في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا هم الذين يعلمون أو في بعض النسخ هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم ألا تراه يقول العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا إلا العلم وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء. والله كلام جميل. ابن حبان رحمه الله dans son recueil authentique, après qu'il ait cité ce hadith, les savants sont les héritiers des prophètes, il dit: il y a dans ce hadith une explication claire que les savants qui ont le mérite que nous avons cité sont les savants qui connaissent la science du prophète, et dans certaines éditions du livre, sont les savants qui enseignent la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors des autres sciences. En dehors des autres sciences, les savants dont le mérite est venu dans les textes du Coran et de la Sunna, et notamment dans ce hadith que les savants sont les héritiers des prophètes, ce sont les savants de la religion, les savants de l'islam. En dehors des autres sciences, celui qui connaît la science de la médecine, celui qui connaît la science de l'astronomie, la science de la physique, de la chimie, etc., etc., de l'informatique, de la géographie, toutes ces sciences, ce sont certes des sciences utiles. Et il faut qu'il y ait dans la communauté musulmane des gens qui apprennent ces sciences, car la communauté en a besoin. Mais ce ne sont pas les savants qui sont désignés dans les hadiths, qui font les éloges des savants. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit: al ulama warathatul anbiya wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathu al ilm, yani warathu al din, ilm al din, hadha huwa al ilm الذي جاء به الأنبياء. وتعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فالعلوم الدنيوية ليست المقصودة في النصوص الشرعية التي جاءت بالحث على العلم وبالثناء على أهل العلم. Donc les sciences mondaines, ce ne sont pas les sciences qui sont voulues dans les textes religieux, dans les textes du Coran et de la Sunna. Al-Adhan. Donc je disais que les sciences mondaines, ce ne sont pas les sciences qui sont visées dans les textes religieux qui sont venus pour nous inciter à apprendre et qui ont fait les éloges des gens de science. Mais les sciences qui sont citées dans les textes religieux, ce sont les sciences de la religion. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont laissé un héritage ni dinar ni dirham, mais ils ont laissé la science. Quelle est la science que les prophètes ont laissée? C'est la science de la religion. Les prophètes ne sont pas venus avec une autre science que les sciences religieuses. avec la révélation. Et vous connaissez le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous connaissez mieux, c'est vous qui connaissez mieux les choses de votre bas monde. Et c'est pour cela qu'Ibn Hibban radiyallahu rahimahullah, après qu'il ait cité cela, il dit, n'as-tu pas vu qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont rien laissé en héritage si ce n'est la science, il y en a la science religieuse. Et la science de notre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa sunna. Alayhi sakadhalik, n'est-ce pas? La science du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sunna, c'est les hadiths. C'est ça la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est pour ça qu'Ibn Hibban il termine en disant, donc celui qui est dénué de la connaissance de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas partie des héritiers des prophètes. Si une personne il a de la science, ou qu'on le présente comme étant quelqu'un de science, comme un savant, mais qu'il ne connaît pas les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas faire la distinction entre les hadiths authentiques et les hadiths faibles, il n'a pas la compréhension des hadiths, il n'est pas attaché à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien cette personne il ne fait pas partie des héritiers des prophètes, car il est dénué de la science que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé la science, naam, de quoi? De sa sunna, des hadiths. Il nous a laissé des hadiths. C'est ça son héritage. Donc si tu veux faire partie des savants qui sont les héritiers des prophètes, alors tu dois hériter la science du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la sunna. Et si tu n'as pas la sunna, si tu n'as pas la science de la sunna, alors tu ne fais pas partie des héritiers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de là vous voyez donc la fausseté de certaines personnes qui sont présentées dans les médias, à la télé, à la radio, etc., dans les journaux, comme étant des savants de l'islam, alors que ce sont des gens qui sont loin de la connaissance de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses hadiths. فَعَلَيْكُمْ بِعُلَمَاءِ السُّنَّةِ فَهُمْ الْمَرْجِعِ وَهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ حَقًّا دُونَ غَيْرِهِمْ. Donc, attachez-vous aux savants de la sunna. Attachez-vous aux savants de la sunna. Car ce sont eux, réellement, qui sont les héritiers des prophètes, en dehors des autres personnes. Et c'est ici que nous nous arrêtons pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.